Et si le mari n'embarrassait pas, car le mari n'embarrasse jamais dans ces sortes de questions, la mère me paraissait tout aussi impossible à expliquer. Mademoiselle Albertine, c'était le nom de cette archiduchesse d'altitude, tombée du ciel chez ses bourgeois comme si le ciel avait voulu se moquer d'eux, Mademoiselle Albertine, que ses parents appelaient Albert, pour s'épargner la longueur du nom, mais ce qui allait parfaitement mieux à sa figure et à toute sa personne, ne semblait pas plus la fille de l'un que de l'autre. À ce premier dîner, comme à ceux qui suivirent, elle me parut une jeune fille bien élevée, sans affectation, habituellement silencieuse, qui, quand elle parlait, disait en bons termes ce qu'elle avait à dire, mais qui n'outrepassait jamais cette ligne-là. Au reste, elle aurait eu tout l'esprit que j'ignorais qu'elle eût, qu'elle n'aurait guère trouvé l'occasion de le montrer dans les dîners que nous faisions. La présence de leur fille avait nécessairement modifié les commérages des deux vieilles gens. Ils avaient supprimé les petits scandales de la ville. Littéralement, on ne parlait plus à cette table que de choses aussi intéressantes que la pluie et le beau temps. Aussi, Mademoiselle Albertine, ou Albert, qui m'avait tant frappé d'abord par son air impassible, n'ayant absolument que cela à m'offrir, me blasa bientôt sur ces terres-là. Si je l'avais rencontrée dans le monde pour lequel j'étais fait, et que j'aurais dû voir, cette impassibilité m'aurait très certainement piqué au vif. Mais pour moi, elle n'était pas une fille à qui je puisse faire la cour, même des yeux. Ma position vis-à-vis d'elle, à moi en pension chez ses parents, était délicate, et un rien pouvait la fausser. Ce n'était pas assez près ou assez loin de moi dans la vie pour qu'elle pût m'être quelque chose, et j'eus bientôt répondu naturellement et sans intention d'aucune sorte, par la plus complète indifférence à son impassibilité. Et cela ne se démentit jamais, ni de son côté, ni du mien. Il n'y eut entre nous que la politesse la plus froide, la plus sobre de parole. Elle n'était pour moi qu'une image, qu'à peine je voyais. Et moi pour elle, qu'est-ce que j'étais? À table, nous ne nous rencontrions jamais que là. Elle regardait plus le bouchon de la carafe ou le sucrier que ma personne. Ce qu'elle y disait, très correct, toujours fort bien dit, mais insignifiant, ne me donnait aucune clé du caractère qu'elle pouvait avoir. Et puis d'ailleurs, que m'importait? J'aurais passé toute ma vie sans songer seulement à regarder dans cette calme et insolente fille à l'air si déplacé d'infante. Pour cela, il fallait la circonstance que je m'en vais vous dire, et qui m'atteignit comme la foudre qui tombe, sans qu'il étonnait. Un soir, il y avait à peu près un mois que Mademoiselle Albert était revenue à la maison, et nous nous mettions à table pour souper. Je l'avais à côté de moi, et je faisais si peu d'attention à elle que je n'avais pas encore pris garde à ce détail de tous les jours qui aurait dû me frapper, qu'elle fût à table auprès de moi au lieu d'être entre sa mère et son père, quand au moment où je dépliais ma serviette sur mes genoux. Non, jamais je ne pourrais vous donner l'idée de cette sensation et de cet étonnement. Je sentis une main qui prenait hardiment la mienne par-dessous la table. Je crus rêver, ou plutôt je ne crus rien du tout. Je n'eus que l'incroyable sensation de cette main audacieuse qui venait chercher la mienne jusque sous ma serviette. Et ce fut inouï autant qu'inattendu. Tout mon sang allumé sous cette prise se précipita de mon cœur dans cette main, comme soutiré par elle, puis remonta furieusement, comme chassé par une pompe dans mon cœur. Je vis bleu, mes oreilles tintèrent. Je dus devenir d'une pâleur affreuse. Je crus que j'allais m'évanouir, que j'allais me dissoudre dans l'indicible volupté causée par la chair tassée de cette main, un peu grande et forte, comme celle d'un jeune garçon, qui s'était fermée sur la mienne. Et comme vous le savez, dans ce premier âge de la vie, la volupté a son épouvante. Je fis un mouvement pour retirer ma main de cette folle main qui l'avait saisie, mais qui, me la serrant alors avec l'ascendant du plaisir qu'elle avait conscience de me verser, la garda d'autorité, vaincue comme ma volonté, et dans l'enveloppement le plus chaud, délicieusement étouffé. Il y a 35 ans de cela, et vous me ferez bien l'honneur de croire que ma main s'est un peu blasée sur l'étreinte de la main des femmes. Mais j'ai encore là, quand j'y pense, l'impression de celle-ci, étreignant la mienne, avec un despotisme si insensément passionné. En proie aux mille frissements que cette enveloppe-main dardait à mon corps tout entier, je craignais de trahir ce que j'éprouvais devant ce père et cette mère, dont la fille sous leurs yeux osait. Honteux pourtant d'être moins homme que cette fille hardie qui s'exposait à se perdre, et dont un incroyable sang-froid couvrait l'égarement, je mordis ma lèvre au sang dans un effort surhumain, pour arrêter le tremblement du désir, qui pouvait tout révéler à ces pauvres gens sans défiance, et c'est alors que mes yeux cherchèrent l'autre de ses deux mains, que je n'avais jamais remarqué, et qui, dans ce périlleux moment, tournait froidement le bouton d'une lampe qu'on venait de mettre sur la table. Car le jour commençait de tomber, je la regardais. C'était donc là la sœur de cette main que je sentais pénétrant la mienne, comme un foyer d'où rayonnaient et s'étendaient le long de mes veines d'immenses larmes de feu. Cette main, un peu épaisse, mais aux doigts longs, et bien tournée, au bout desquels la lumière de la lampe, qui tombait d'aplomb sur elle, allumait des transparences roses, ne tremblait pas et faisait son petit travail d'arrangement de la lampe, pour la faire aller, avec une fermeté, une aisance et une gracieuse langueur de mouvement incomparables. Cependant, nous ne pouvions pas rester ainsi. Nous avions besoin de nos mains pour dîner. Celle de Mademoiselle Albert quitta donc la mienne. Mais au moment où elle la quitta, son pied, aussi expressif que sa main, s'appuya avec le même aplomb, la même passion, la même souveraineté sur mon pied, et y resta tout le temps que dura ce dîner trop court, lequel me donna la sensation d'un de ces bains insupportablement brûlants d'abord, mais auxquels on s'accoutume, et dans lesquels on finit par se trouver si bien qu'on croirait volontiers qu'un jour les damnés pourraient se trouver fraîchement et suavement dans les brasiers de leur enfer, comme les poissons dans leur eau. Je vous laisse à penser si je dînais ce jour-là, et si je me mêlais beaucoup aux menus propos de mes honnêtes hôtes, qui ne se doutaient pas, dans leur placidité, du drame mystérieux et terrible qui se jouait alors sous la table. Ils ne s'aperçurent de rien, mais ils pouvaient s'apercevoir de quelque chose, et positivement, je m'inquiétais pour eux bien plus que pour moi et pour elles. J'avais l'honnêteté et la commisération de mes 17 ans. Je me disais, est-elle effrontée? Est-elle folle? Et je la regardais du coin de l'œil, cette folle qui ne perdait pas une seule fois, durant le dîner, son air de princesse en cérémonie, et dont le visage resta aussi calme que si son pied n'avait pas dit et fait toutes les folies que peut dire et faire un pied sur le mien. J'avoue que j'étais encore plus surpris de son aplomb que de sa folie. J'avais beaucoup lu de ces livres légers où la femme n'est pas ménagée. J'avais reçu une éducation d'école militaire, utopiquement du moins. J'étais le Lovelace de fatuité que sont plus ou moins tous les très jeunes gens qui se croient de jolis garçons et qui ont pâturé des bottes de baiser derrière les portes et dans les escaliers, sur les lèvres des femmes de chambre de leur mère. Mais ceci déconcertait mon petit aplomb de Lovelace de 17 ans. Ceci me paraissait plus fort que ce que j'avais lu, que tout ce que j'avais entendu dire sur le naturel dans le mensonge attribué aux femmes, sur la force de masque qu'elles peuvent mettre à leur plus violentes ou leurs plus profondes émotions. Songez donc, elle avait 18 ans. Les avait-elle même? Elle sortait d'une pension que je n'avais aucune raison pour suspecter, avec la moralité et la piété de la mère, qui l'avait choisie pour son enfant. Cette absence de tout embarras, disons le mot, ce manque absolu de pudeur, cette domination aisée sur soi-même en faisant les choses les plus imprudentes, les plus dangereuses pour une jeune fille, chez laquelle pas un geste, pas un regard n'avait prévenu l'homme auquel elle se livrait, par une si monstrueuse avance. Tout cela me montait au cerveau et apparaissait nettement à mon esprit, malgré le bouleversement de mes sensations. Mais ni dans ce moment, ni plus tard, je ne m'arrêtais à philosopher là-dessus. Je ne me donnais pas d'horreur factice pour la conduite de cette fille d'une si effrayante précocité dans le mal. D'ailleurs, ce n'est pas à l'âge que j'avais, ni même beaucoup plus tard, qu'on croit dépraver la femme qui, au premier coup d'œil, se jette à vous. Elle est presque disposée à trouver cela tout simple, au contraire. Et si on dit la pauvre femme, c'est déjà beaucoup de modestie que cette pitié. Enfin, si j'étais timide, je ne voulais pas être un niais. La grande raison française pour faire sans remords tout ce qu'il y a de pis. Je savais, certes, à n'en pas douter, que ce que cette fille éprouvait pour moi n'était pas de l'amour. L'amour ne procède pas avec cette impudeur et cette impudence. Et je savais parfaitement aussi ce qu'elle me faisait éprouver, n'en était pas non plus. Mais, amour ou non, ce que c'était, je le voulais. Quand je me levais de table, j'étais résolu. La main de cette Alberte, à laquelle je ne pensais pas une minute avant qu'elle eût saisi la mienne, m'avait laissé jusqu'au fond de mon être le désir de m'enlacer tout entier à elle tout entière, comme sa main s'était enlacée à ma main. Je montais chez moi comme un fou, et quand je me fus un peu froidi par la réflexion, je me demandais ce que j'allais faire pour nouer bel et bien une intrigue, comme on dit en province, avec une fille si diaboliquement provocante. Je savais à peu près, comme un homme qui n'a pas cherché à le savoir mieux, qu'elle ne quittait jamais sa mère, qu'elle travaillait habituellement près d'elle, à la même chiffonnière dans l'embrasure de cette salle à manger, qui leur servait de salon, qu'elle n'avait pas d'amis en ville qui vint la voir, et qu'elle ne sortait guère que pour aller le dimanche à la messe et aux vêpres avec ses parents. Hein, ce n'était pas un encouragement, tout cela? Je commençais à me repentir de n'avoir pas un peu plus vécu avec ces deux bonnes gens que j'avais traitées sans hauteur. Mais avec la politesse détachée et parfois distraite qu'on a pour ceux qui ne sont que d'un intérêt très secondaire dans la vie. Mais je me dis que je ne pouvais modifier mes relations avec eux sans m'exposer à leur révéler ou à leur faire soupçonner ce que je voulais leur cacher. Je n'avais pour parler secrètement à Mademoiselle Albert que les rencontres sur l'escalier quand je montais à ma chambre, ou que j'en descendais. Mais sur l'escalier, on pouvait nous voir et nous entendre. La seule ressource à m'apporter dans cette maison si bien réglée et si étroite, où tout le monde se touchait du coude, était d'écrire. Et puisque la main de cette fille hardie savait si bien chercher la mienne par-dessous la table, cette main ne ferait sans doute pas beaucoup de cérémonie pour prendre le billet que je lui donnerais. Et je l'écrivis. Ce fut le billet de la circonstance, le billet suppliant, impérieux et enivré d'un homme qui a déjà bu une première gorgée de bonheur et qui en demande une seconde. Seulement pour le remettre, il fallait attendre le dîner du lendemain, et cela me parut long. Mais enfin, il arriva ce dîner. La tisante main dont je sentais le contact sur ma main depuis 24 heures ne manqua pas de revenir chercher la mienne, comme la veille, par-dessous la table. Mademoiselle Albert sentit mon billet et le prit très bien, comme je l'avais prévu. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'avec cet air d'infante qui défiait tout par sa hauteur d'indifférence, elle le plongea dans le cœur de son corsage, où elle releva une dentelle repliée d'un petit mouvement sec, et tout cela avec un naturel et une telle prestesse que sa mère, qui les yeux baissés sur ce qu'elle faisait, servait le potage, ne s'aperçut de rien, et que son imbécile de père, qui lurait toujours quelque chose en pensant à son violon, quand il n'en jouait pas, n'y vit que du feu. Nous n'y voyons jamais que cela, capitaine, interrompis-je gaiement, car son histoire me faisait l'effet de tourner un peu vite à une leste aventure de garnison. Mais je ne me doutais pas de ce qui allait suivre. Tenez, pas plus tard que quelques jours, il y avait à l'opéra, dans une loge à côté de la mienne, une femme probablement dans le genre de votre demoiselle Albert. Elle avait plus de 18 ans, par exemple, mais je vous donne ma parole d'honneur que j'ai vu rarement de femme plus majestueuse de décence. Pendant qu'elle durait toute la pièce, elle est restée assise et immobile comme sur une base de granit. Elle ne s'est retournée ni à droite ni à gauche une seule fois. Mais sans doute elle y voyait par les épaules qu'elle avait très nues et très belles, car il y avait aussi, dans ma loge à moi, par conséquent derrière nous deux, un jeune homme qui paraissait aussi indifférent qu'elle à tout ce qui n'était pas l'opéra qu'on jouait en ce moment. Je puis certifier que ce jeune homme n'a pas fait une seule des simagrées ordinaires que les hommes font aux femmes dans les endroits publics, et qu'on peut appeler des déclarations à distance. Seulement, quand la pièce a été finie, et que dans l'espèce de tumulte général des loges qui se vident, la dame s'est levée, droite dans sa loge, pour agrafer son burnous, je l'ai entendu dire à son mari de la voix la plus conjugalement impérieuse et la plus claire « Henri, ramassez mon capuchon !» Et alors, par-dessus le dos de Henri, qui s'est précipité la tête en bas, elle a étendu le bras et la main et pris un billet du jeune homme, aussi simplement qu'elle eût pris des mains de son mari son éventail ou son bouquet. Lui s'était relevé, le pauvre homme, tenant le capuchon, un capuchon de satin ponceau, mais moins ponceau que son visage, et qu'il avait, au risque d'une apoplexie, repêché sous les petits bancs comme il avait pu. Ma foi, après avoir vu cela, je m'en suis allé pensant qu'au lieu de le rendre à sa femme, il aurait pu tout aussi bien le garder pour lui, ce capuchon, afin de cacher sur sa tête ce qui, tout à coup, venait d'y pousser. « Votre histoire est bonne, dit le vicomte de Brassard assez froidement. Dans un autre moment, peut-être en aurait-il joui davantage, mais laissez-moi vous achever la mienne. » J'avoue qu'avec une pareille fille, je ne fus pas inquiet 2 minutes de la destinée de mon billet. Elle avait beau être pendue à la ceinture de sa mère, elle trouverait bien le moyen de me lire et de me répondre. Je comptais même pour tout un avenir de conversation par écrit sur cette petite poste par-dessous la table que nous venions d'inaugurer lorsque le lendemain, quand j'entrais dans la salle à manger, avec la certitude, très caressée au fond de ma personne, d'avoir séance tenante une réponse très catégorique à mon billet de la veille, je crus avoir la berlue, en voyant que le couvert avait été changé, et que Mademoiselle Albert était placée là où elle aurait dû toujours être, entre son père et sa mère. Et pourquoi ce changement? Que s'était-il donc passé que je ne savais pas? Le père ou la mère s'étaient-ils doutés de quelque chose? J'avais Mademoiselle Albert en face de moi, et je la regardais avec cette intention fixe qui veut être comprise. Il y avait 25 points d'interrogation dans mes yeux, mais les siens étaient aussi calmes, aussi muets, aussi indifférents qu'à l'ordinaire. Ils me regardaient comme s'ils ne me voyaient pas. Je n'ai jamais vu de regard plus impatientant que ces longs regards tranquilles qui tombaient sur vous comme sur une chose. Je bouillais de curiosité, de contrariété, d'inquiétude, d'un tas de sentiments agités et déçus. Et je ne comprenais pas comment cette femme, si sûre d'elle-même, qu'on pouvait croire qu'au lieu de nerfs, elle eut sous sa peau fine presque autant de muscles que moi, sembla ne pas oser me faire un signe d'intelligence qui m'avertit, qui me fit penser, qui me dit si vite que ce put être que nous nous entendions, que nous étions connivants et complices dans le même mystère que ce fut de l'amour, que ce ne fut pas même de l'amour. C'était à se demander si vraiment c'était bien la femme de la main et du pied sous la table, du billet pris et glissé la veille, si naturellement dans son corsage devant ses parents, comme si elle y eût glissé une fleur. Elle en avait tant fait qu'elle ne devait pas être embarrassée de m'envoyer un regard. Mais non, je n'eus rien. Le dîner passa tout entier sans ce regard que je guettais, que j'attendais, que je voulais allumer au mien, et qui ne s'alluma pas. Elle aura trouvé quelque moyen de me répondre, me disais-je, en sortant de table et en remontant dans ma chambre, ne pensant pas qu'une telle personne pût reculer, après s'être si incroyablement avancée. N'admettant pas qu'elle pût rien craindre et rien ménager, quand il s'agissait de ses fantaisies, et parbleu, franchement, ne pouvant pas croire qu'elle n'en eût au moins une pour moi. Si ses parents n'ont pas de soupçons, me disais-je encore, si c'est le hasard qui a fait ce changement de couvert à table, demain je me retrouverai auprès d'elle. Mais le lendemain, ni les autres jours, je ne fus placé auprès de Mademoiselle Albert, qui continua d'avoir la même incompréhensible physionomie et le même incroyable ton dégagé, pour dire les riens et les choses communes qu'on avait l'habitude de dire à cette table de petits bourgeois. Vous devinez bien que je l'observais comme un homme intéressé à la chose. Elle avait l'air aussi peu contrariée que possible, quand je l'étais horriblement, moi, quand je l'étais jusqu'à la colère. Une colère à me fendre en deux et qu'il fallait cacher. Et cet air qu'elle ne perdait jamais me mettait encore plus loin d'elle que ce tour de table interposé entre nous. J'étais si violemment exaspéré que je finissais par ne plus craindre de la compromettre en la regardant, en lui appuyant sur ses grands yeux impénétrables et qui restaient glacés la pesanteur menaçante et enflammée des miens. Était-ce un manège que sa conduite? Était-ce coquetterie? N'était-ce qu'un caprice après un autre caprice ou simplement stupidité? J'ai connu depuis de ces femmes tout d'abord soulèvement de sens, puis après tout stupidité. Si on savait le moment, disait Ninon. Le moment de Ninon était-il déjà passé? Cependant j'attendais toujours, quoi? Un mot, un signe, un rien risqué, à voix basse, en se levant de table dans le bruit des chaises qu'on dérange. Et comme cela ne venait pas, je me jetais aux idées folles, à tout ce qu'il y avait au monde de plus absurde. Je me fourrais dans la tête qu'avec toutes les impossibilités dont nous étions entourés au logis, elle m'écrirait par la poste, qu'elle serait assez fine quand elle sortirait avec sa mère pour glisser un billet dans la boîte aux lettres. Et sous l'empire de cette idée, je me mangeais le sang régulièrement deux fois par jour, une heure avant que le facteur passât par la maison. Dans cette heure-là, je disais 10 fois à la vieille Olive, d'une voix étranglée, « Y a-t-il des lettres pour moi, Olive ?» Laquelle me répondait imperturbablement toujours, « Non, monsieur, il n'y en a pas. » Ah, l'agacement finit par être trop aigu. Le désir trompé devint de la haine. Je me mis à haïr cette Albert, et par haine de désir trompé, à expliquer sa conduite avec moi par les motifs qui pouvaient le plus me la faire mépriser, car la haine a soif de mépris. Le mépris, c'est son nectar à la haine. Coquine lâche qui a peur d'une lettre, me disais-je. Vous le voyez, j'en venais aux gros mots. Je l'insultais dans ma pensée, ne croyant pas en l'insultant la calomnier. Je m'efforçais même de ne plus penser à elle que je criblais des épithètes les plus militaires quand j'en parlais à Louis de Meugues. Car je lui en parlais, car l'outrance où elle m'avait jeté avait éteint en moi toute espèce de chevalerie. Et j'avais raconté toute mon aventure à mon brave Louis, qui s'était tire-bouchonné sa longue moustache blonde en m'écoutant, et qui m'avait dit sans se gêner, car nous n'étions pas des moralistes dans le 27e, « Faites comme moi, un clou chasse l'autre. Prends pour maîtresse une petite cousette de la ville, et ne pense plus à cette sacrée fille-là. »